D. Aujourd'hui, le grand marché a lieu sur la place de la mairie. Tous les gros marchands sont là. Ils rentrent d'abord au café pour boire quelque chose de très chaud, car il fait vraiment trop froid. Trois d'entre eux ressortent pour retrouver leur stand. Ils vendent des truffes, des crabes et des graissins.